La Belle au bois dormant. Une princesse au fond des bois a dormi 100 ans autrefois. Oui, 100 beaux ans, tout d'une traite. L'enfant, dans sa fraîche retraite, laissait courir le temps léger. Tout sommeillait alentour d'elle. La brise n'eut pas de son aile fait la moindre feuille bouger. Le flot dormait sur le rivage. L'oiseau, perdu dans le feuillage, était sans voix et sans ébat. Sur sa tige fragile et verte, la rose restait entr'ouverte. 100 printemps ne l'effeuillait pas. Le charme eût duré, je m'assure, à jamais, sans le fils du roi. Il pénétra dans cet endroit et découvrit par aventure le trésor que Dieu lui gardait. Un baiser bien vite il dépose sur la bouche qui, demi-close, depuis un siècle l'attendait. La dame, confuse et vermeille, à cet inconnu qui l'éveille, sourit dans son étonnement. Ô surprise toujours la même, sourire ému, baiser charmant, l'amour est l'éveilleur suprême, l'âme, la belle au bois dormant. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.